la vie est périssant, rôle du mort, calvaire, en la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que se l'entrerait, avec à la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que je l'entrerai, ravi j'être vrai. Montrez-moi ce fait, aide-moi, aide-moi marcher toujours. Et en ce présent, ou à la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que je l'entrerai, va végéter en vrai, ou à la croix, à la croix, à la croix, Jésus, sois ma voix, à jamais, jusqu'à ce que je l'entrerai, je Dieu bien-aimé, notre Père céleste, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ te remercier pour l'opportunité que tu nous as donnée de nous tenir devant toi, de nous rassembler dans un même lieu en tant que ton Église, racheté par ton sang, pour laquelle tu mouris, dont tu es le sauveur. Et nous sommes croyants de cela, à cet endroit précis, en ce moment même, reconnaissant que n'eût été cela, nous ne serions pas ici. Nous ne nous connaîtrions même pas. Nous serions chacun dans son coin, sa direction. Mais ton amour rédempteur a accompli un travail inégalé qui a attiré nos âmes vers ton programme, vers ta personne. Nous ne venons pas pour le lieu, nous ne venons pas pour un homme, mais nous venons pour toi, Jésus. C'est à toi que nous venons, Seigneur. Communie avec nous ce soir et répands l'onction de vérité et de puissance sur chaque cœur croyant. Tu es le maître de nos souffles de vie, tu es le maître propriétaire de nos âmes. C'est toi, Dieu, le Créateur. Tu es sans pareil. Reçois chaque âme devant toi pour ton service et ta gloire. Il est vrai qu'aujourd'hui, Il y a une des sœurs bien connues qui a tiré révérence. Nous l'avons entendu au sujet de cette sœur Henriette Fomba. Qui n'est plus sur la terre des vivants. Nous avons eu à écouter ses chansons et apprécier bon nombre d'entre elles. Et nous continuerons à les écouter aussi. Et voilà qu'elle s'est éteinte. Car sur la terre, nous sommes passagers. Pour une durée que Dieu seul connaît. Mais en attendant le jour du départ, aide chacun à être en ordre avec Dieu, à ne pas oublier que ce jour vient où le souffle cessera, où le corps sera sans vie. Et ce sont les autres qui décideront de ce corps pour en faire des fois ce qu'ils pensent. Mais toi Dieu, tu es l'Éternel, le refuge pour tes croyants, la haute sécurité pour l'éternité. Que ton nom soit élevé, qu'il soit sanctifié pour tout autre. C'est toi qui as donné et c'est toi qui as repris. Que ton nom soit béni et sanctifié, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans la crainte de Dieu, en obéissance à l'évangile, à ce précieux message, tous les jours de notre vie. Père Céleste, parle à chacun maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie nous du vieil homme, de toutes les sales habitudes du monde, pour le comportement du péché. Lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Pour du bien-être éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur sur, dans Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 43 à 45. Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Yes, ajong si mon compé à l'obé nabango ete. Boi maï makati na binoté. Moto akoki koya epai na ngai te bobele soko tata motinge na ngai akobendaka ye mpe na kosekwisa ye na mokolo na suka ekomami kati na basakoli eti bango nyonso bakolakisama na Nzambe. Boye moto na moto oyo ayoki epai na tata mpe ayokeli ye akoya mboka na ngai. Acte des apôtres chapitre 5 misala na bantoma mokapo ya mitano le verset 13 nzela kotanga zomi na misatu. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. Kati na bato mususu moko moto azalaki na molende na kosangana kana bango te kasi bato bakumisaki bango mingi. Acte chapitre 11 misala mokapo ya zomi na moko. Nous prenons verset 25 à 26. Tuko zonzela kotanga tukumbale na mitano tukumbale na motoba. Oh non, prenons le verset 24 à 26, voilà. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ceci à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mpo eteye balanaba azalaki mobali malamu, mpe atondaki na molimu monsantu mpe na kondima. Ebele monene na bato basanganaki na nkolo. Balanaba akeyi na talisayi kolukaka Saulo. Azuyempe akambiye na Antioka. Mbula mobimba bayangani na lingomba kola kisaka ebele monene. Baye koli babiangami kombo ya bakliso liboso kuna na Antioka. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Nzambe apambola botangi ya liloba mosantu na ye. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bokoka na kovanda na kombo na nkolo na biso Jésus Christ. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ. Nous souhaitons la bienvenue à chacun ici. Devant Dieu dans sa maison. Bienvenue à chacun de vous. Que l'esprit de vérité vous visite. Qu'il contacte votre esprit, votre âme. Et qu'il traite avec votre homme intérieur. Pour les affaires du royaume de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous aimons la vérité de l'évangile. Pour elle que nous sommes rassemblés ici. Alors, nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu. Dans ce petit point où le Saint-Esprit nous conduit réunion après réunion. Alors, nous avons lu à trois endroits aujourd'hui. Jean au chapitre 6, le verset 43 à 45. Nous avons lu également Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 13. Et aussi, nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Oui, là, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Partout là, il est question de l'œuvre du Seigneur. Et du Seigneur qui attire les âmes à lui. Et auquel les âmes viennent se joindre. Les âmes que lui appelle, que lui attire, pour lui, elles viennent se retrouver dans un lieu en assemblée, non pas pour se joindre à l'assemblée, mais pour se joindre au Seigneur. C'est profond. Quand l'église du Seigneur avait commencé, nous connaissons l'une des vérités claires, le principe qui est à la base. Ce principe-là, c'est dans Matthieu 16, verset 18, où le Seigneur a dit, et toi tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Elle quoi? Elle dit mon église. C'est-à-dire l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église du Dieu vivant. Son église à lui. Il la bâtirait sur le roc préservé. Et rien ne pourra la vaincre. Ni l'enfer, ni les portes du séjour de mort. Ni la maladie, ni aucune épreuve. Rien ne pourra la vaincre. C'est l'église du Seigneur lui-même. Et le mot ecclésia qui vient du grec veut dire les appeler à sortir hors d'eux. Un homme et une femme appelés à sortir hors d'eux. Et pour être l'église du Seigneur, ils doivent avoir été chacun appelé par le Seigneur. Donc, on ne peut pas trouver des gens qui se donnent rendez-vous de se retrouver quelque part. Alors que c'est la manifestation de leur intention, de leur volonté personnelle. Une fois cela fait, ils commencent à appeler cela église du Seigneur. Loin de là. C'est le Seigneur lui-même qui doit appeler. Pour son église à lui. Quel que soit le lieu du rassemblement. Ceux qui viennent se rassembler doivent être des personnes que le Seigneur lui-même a appelées. Dans Actes des Apôtres chapitre 2. Il a dit ceci au verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, amen, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Peut-être elaka yango ezali le pona bino, na bana na bino, na bango nyonso bazali musika, ba oyo nyonso mpolonzambe na biso akobyanga. Ici, Pierre parle à cette foule qui a été attirée par un mouvement et c'était le Saint-Esprit en action. Il y a eu une attraction surnaturelle. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de rassemblement à cet endroit-là. Eux étaient dans la chambre haute du temple. Quand le Saint-Esprit est descendu et entré en eux, il a commencé à les mouvoir. Ils sont sortis par les fenêtres. Ils se sont retrouvés en train de parler diverses langues. Ces mouvements du Saint-Esprit étaient tellement impressionnants, attrayants, que plusieurs peuples, des membres des différentes tribus, clans de la terre, qui étaient venus à Jérusalem pour autre chose que rencontrer Pierre et consorts, ont été attirés et captivés là. Zokande ebele na batu oyo bazalaka na mokilo mobimba zokande bakendaki kuna na Yerusalem kosalaka makamu na bango bususu kasi bayakiteke bazwa manne na petelo kasi na likambo muli musanto asalaki nde ezalete ebende bokebi na bango baye epaye azalaki. Alors Acte chapitre 2 verset 4 à 6 na bongo misala na batu lolo dit ceci balobi na biso bongo. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bangonyo sabatonda ki na muli mosantu mpe babanda ki ndako solola kana nkoto mususu mpe na moko muli mosantu apesa ki bango maloba. Et il y avait un séjour. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Bayuda bazala ki wana na Yerusalem, ni bali na kokumi sanzambe na mabota nyonso na mokili nyonso na nse bazala ki wana. Écoutez, boyoka. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Au bruit qui eut lieu. Et si mungongo yango koyokana, mungongo moko makelelo et salamaki, et pele na bato bayanganaki. Ils se sont pas retrouvés là-bas sur invitation d'un homme. Mais des membres de famille, ni sous le dictat d'un titeur, d'un héberger, qui a dit non, moi et ma maison, venez prier là où j'ai prié. Tant que vous êtes chez moi, venez ici chez moi. Là où je prie, c'est là où vous prierez. Ce n'était pas ça. Mais au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Qu'est-ce que cela? Non pas un phénomène naturel, mais un mouvement surnaturel. Et c'est Dieu qui était en action. De quel bruit s'agissait-il? On remonte au verset 1 et 2. Le bruit qui a attiré, d'où venait-il? Acte 2, verset 1 et 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il s'était assis. Wana esila ki mokolo na tuku mitano koya. Bazala ki nyonso elongo na esika moko. Lokito epimi na likolo poisa. Mokola lokito na kopepa na mupepe makasi. Etondisi ndako mobimba kuna evanda ki bango. Ce bruit dont il a parlé au verset 2, c'est le bruit qui revient au verset 6. Le bruit qui a eu lieu ne venait pas d'une maison de la terre. Ce bruit là venait du ciel. Il s'est produit dans un endroit où il y avait des disciples consacrés, des croyants qui attendaient la promesse du Père. Et à cet instant-là, le Père Céleste venait de passer en action pour accomplir la promesse en question. Avec un bruit inhabituel. Avec un bruit surnaturel. La manifestation de la puissance d'eau. Puissance sur les humains. Comme le Seigneur lui-même le leur avait annoncé. Dans Acte 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pebo kwa salaba tato linangai kati na Yerusalem, na Yuda Mobimba, na Samalia, mpe kino na suka na mokili. Vous recevrez une puissance, Mopo Zongulo, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mopo Zongulo, le Saint-Esprit il viendra là où vous serez. Il surgira sur vous. De manière automatique. Pas par télé. Pas téléguidé par la main humaine, par la volonté d'un prédicateur ou d'un quelconque drogué. Le Saint-Esprit surgira lui-même. Ça, c'est la précision que le Seigneur donnait. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il ne vient pas de la volonté de l'homme. Mais il vient de la volonté de Dieu. Qui a son temps et à sa façon. Et ceux à qui il est destiné le reçoivent au temps de Dieu. Ils le reçoivent et il agit en eux. Dieu est immuable, il ne change pas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà ce que vous devez expérimenter aussi vous. Personnellement, individuellement, c'est un chacun doit expérimenter. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez ça. Vous recevrez cette puissance. Non pas que vous entendrez parler de ça. Ou que vous venez ici là, c'est pas quelque part. Mais vous recevrez cette puissance. Mais vous recevrez ça. Chaque croyant appelé du Seigneur. Pour appartenir à l'église de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et puis vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord. Dans toute la Judée ensuite. Dans la Samarie voisine. Jusqu'aux extrémités. Le Seigneur dit, vous recevrez. Et tu dois recevoir. Tu dois témoigner ça. Et il faut l'expérimenter, mon ami. Ta promesse est encore d'actualité. Je la tiens jusqu'à présent. Même ce soir, il peut se la donner. Parce que c'est lui seul qui ajoute à l'église. Ils sont sauvés. C'est son église à lui. Et il y ajoute à qui il voudra. On a lu là, dans Actes 5, verset 13, aucun des autres n'osait se joindre à eux. Venez adhérer. Pas question. Quand il s'agit de l'église de Dieu, on ne fait pas ce genre de propagande pour gonfler le groupe, pour remplir les chaises vides, pour occuper le grand espace de l'église construite, pour éviter la honte. Ton église mounene, mais son bâtiment. Ça n'a rien à voir. La maison de prière est un lieu de prière. Amen. Pour tout le peuple. Un lieu de prière. Nous vous aimez prier à l'aise. Hein? Tu veux faire les 100 pas, tu feras les 100 pas. Tu veux monter au balcon, tu monteras au balcon. Tu veux tuer dans le couloir. Tu veux s'asseoir à distance de 2 mètres. Nous sommes libres chez nous. Maison. Où on n'est pas comme dans la boîte de Sardines. On est combiné et étouffé. On ne cherche pas à remplir les espaces vides. Ça ne change rien du tout. Là où c'est nous dit, là où deux ou trois sont assemblés. C'est plus au milieu d'eux. La chose importante, ce n'est pas d'avoir tous les sièges occupés. Mais la chose importante, c'est d'avoir le Seigneur parmi nous. Que lui soit là. Les propriétaires de l'église. Sa présence est la chose la plus importante. C'est ce qui fait notre bonheur et notre satisfaction. Même si nous sommes gardeux, je préfère être à Dieu comme ça. Quand j'ai une auditoire de 1000 personnes, de 1000 sièges, hein, avec Jésus. Et lui remplit tous les espaces vides. Par sa personne. Car il est celui qui remplit les cieux et la terre. Il n'y a pas d'espace vide pour lui. Tous ces endroits, c'est lui qui les occupera. Et c'est lui qui s'en occupera. Il sait quoi faire et pourquoi utiliser ça. Louange à Jésus-Christ. Voilà, mais propriétaire de l'église. Éviter de suivre les tendances dénominationnelles, les tendances modernistes et environnementales. Nous n'avons pas de modèle ici-bas. Jésus-Christ seul est notre niveau modèle. Ce qu'il veut, que cela soit fait. Voyez dans son église à lui, quand il était au commencement, dans son identité merveilleuse, Actes 5, verset 13, aucun des autres n'osait se joindre à eux. Dans la version anglaise, la King James, je parle la version du roi Jacques, la femme dit, aucun des autres n'osait de lui-même se joindre à eux. De lui-même. Là où s'est rassemblée l'église du Seigneur. Là où le Saint-Esprit surgissait pour des adhérents. Aucun des autres groupes là. Les adhérents de loges voisines. Les membres des clubs religieux. On appelle le peuple de Dieu. Aucun de tout cela. Les apôtres ne prêchaient pas l'adhésion à leur groupe. Il prêchait la repentance selon Dieu. Le cœur devait se convertir. Les adhésions, ça allait n'importe quoi. Paul lui-même a dit, à Jérusalem, je prêchais la repentance et la conversion à Dieu. Et c'était ça le but de l'évangile authentique. Acte 26. Verset 19-20. En conséquence, roi Agrippa, je ne peux résister à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché l'adhésion au groupe chrétien. Voilà, ça y est. Comment tu comprends ça? Vous allez comprendre. Mais travaille! Je prêche quoi? Venez vous joindre. Vous voyez-vous à nous? Non. Pas ça. Un tel discours dans la bouche des apôtres? Non. Je prêche quoi? La repentance et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Naboya mokonji akilipa. Naboya kikotosa emuno nelina likolote. Kasi. Nazalaki na bango na Damaseka liboso. Mpe na ba Yerusalem. Mpe mokilimo bimba na Yuda. Naba pakano. Kosakola kaete. Bamise misa na mitema mpe. Babongwa epai na nzambe. Kosalaka misala mibongi na kose misa na mitema. La prédication originale, c'est celle-là. Que vous adhériez ou pas, là, ça nous importe peu. Que vous deveniez membre de notre groupe ou non, cela n'a pas d'importance. Mais que nous voulons voir de chaque âme, c'est la repentance authentique. Selon Dieu. Mais la conversion à Dieu. Acte 17. Acte 17. La vérité ne change pas. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, les humains, en tout lieu, quelles que soient vos loges. Hein, vos loges que vous avez soignées, construites et tout cela. En tout lieu, l'évangile entrera même dans ce loge-là. Pour chercher les âmes pour le Seigneur. Pour chercher à produire la repentance authentique et la reconversion à Dieu. C'est ça l'évangile qui doit faire la percée. En tout lieu, que les hommes à se répandre. Amen. Nantina natango na kosango bobi nzambe akanishi yangote. Nde sasa ipi azalinde kosakola kana bato nyoso. Na bisika nyoso. Ete babongola mitema. Donc, ce n'était pas l'adhésion qui importait. Ils en étaient comme ils croient que nantina. De compter le nombre de membres. Ce n'était pas ça. D'établir les listes de fidèles. Ils cherchaient la repentance de la vie. Une conversion telle que Dieu l'a créée. Une conversion telle que Dieu l'a suscité lui-même. Une conversion à l'enseignement ou selon le temps de Dieu. Une conversion qui produit la vie éternelle. Une conversion qui conduit à la sécurité éternelle. C'est cela la préoccupation des ministres de la parole. Que Dieu a établi. Et ici dans Actes chapitre 11, nous lisons le verset 20 et 21, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, l'évangile. bato na kupulu na kulusi. Wana ekomi bango na Antioka, basosola kimpe na baela. Kosa kola laka bango sango na kolo Yesu. La main du Seigneur était avec eux. Voyez les choses, la chose importante. Non pas le nombre remplissait tous les sièges étaient occupés. La main du Seigneur était avec nous. Que lui soit avec nous. Voilà l'idéal et l'essentiel. Là où nous soyons assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est sa présence personnelle qui nous être identifié à lui. Et que lui soit identifié parmi nous. La main du Seigneur était avec eux. Écoutez, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent à qui? À l'église? Ils se convertirent au Seigneur. Ils venaient de divers groupes et de divers horizons. Où ils avaient enseigné comme ceci et comme cela. Mais Dieu a prévu dans son programme qu'ils seront tous enseignés de Dieu. On l'a dit dans Jean 6. Ils seront tous enseignés de c'est pas le programme et le plan de Dieu. Pour son église. C'est lui-même qui doit les enseigner. Alors, Amen. Jésus, amen. La fenêtre de cette promesse. Nul ne peut venir à moi. À moins que le Père. Si le Père qui m'envoie. Ne l'attire premièrement. Ne l'attire d'abord. Nul ne peut venir à moi. Tu peux aller dans une loge, oui. On peut dire qu'on a l'équipe à mon côté, il on peut dire qu'on a l'équipe à mon côté, il même si toi tu voudrais être dans ton langage, les amis, attends qu'on ligne le coton à l'eau 500 ans, mais l'équipe à mon côté, et qu'elle est embêtée. Bah, qui va bien, il fallait pas du côté ici. Possible et c'est courant. Et quand tu vas faire, mon père, ça la baka bon mot. Même si tu vas citer le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Attends, attends, il faut le colon, le bien, ça va se faire, le colon, le rien. Il y a beaucoup de bon mot de l'autre côté. Rien. Oui, ne sait rien. Pour venir à Jésus-Christ. Pour et pas de Jésus-Christ. L'attraction vienne du Père Céleste. Et quand celui qui attire, cela veut dire que c'est lui qui appelle. Et quand celui qui appelle, alors c'est lui qui bâtit son église. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu. Qui dit amen? Amen. Je bâtirai mon église. Son église à lui. Il la bâtira lui-même. Et il vivrait en son sein. Je marcherai et j'habiterai parmi vous. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et le Seigneur tout-puissant. Ça, c'est son plan. Pour son peuple, pour son église. Et c'est lui et lui seul qui doit attirer les âmes. C'est lui et lui seul qui doit appeler les âmes. Quand ce n'est pas lui, c'est que ce n'est pas lui. C'est ainsi que les gens adhèrent à des groupes et ils meurent spirituellement. C'est-à-dire qu'ils demeurent séparés de Dieu. Pourtant, ils ont adhéré à des groupes religieux. Après que le premier rang des apôtres sont partis, avec le langage de la parole pure, tel que nous le voyons ici, on a eu le langage confusionnel de Babylone qui ont commencé à envahir les milieux religieux. Alors on a commencé à entendre parler parmi les chrétiens de la conversion au christianisme. Il y a déjà entendu cette expression-là. La conversion au christianisme. Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Hein? Et déjà, on parle librement. Ils pensent vraiment qu'ils disent les bonnes choses de Dieu. Et Dieu est d'accord avec eux dans leur discours de conversion au christianisme. Montrez-moi dans un seul verset biblique où se trouve la conversion au christianisme. Où se trouve même le mot christianisme dans la Bible? Il n'y en a pas! Bon, c'est toi qui en as, viens me donner le verset. Moi, je n'en ai pas. Vous aimez le langage théologique? Le langage babylonien. Le plus que je me suis converti au christianisme, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté. Converti au christianisme. Converti au christianisme. C'est quel langage ça? Ça y est, dans quelle vérité de l'évangile? Il n'y a pas de conversion au christianisme. La Bible enseigne la conversion à Dieu. Tournez vos cœurs vers le Seigneur. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a enseigné. Esaïe 45, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que moi j'ai eu les troubles dans la tête? Oh, non. Esaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi. Et quand Dieu dit moi, ça ne veut nullement dire christianisme. C'est lui, la personne de Dieu. C'est vers lui que nous devons nous tourner. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers quoi? Est-ce qu'on a dit christianisme? Oh, il s'est converti à l'islamisme. Il s'est converti au kimbangisme. Oh, il s'est converti au branamisme. Honte à vous! Tout cela, Dieu n'y est pour rien. Dieu n'est pas dedans. Oh mes chers amis, Psaume 34, versets 5 et 6. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Qui cherchez-vous? L'Église ou le christianisme? Mais c'est plutôt l'Éternel lui-même. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Suivez, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Vers qui tournez-vous vos regards? Changez la direction de vos yeux. Tournez-vous vers la personne de Dieu. Nous devons nous convertir au Seigneur. Et ça va être bon, pour l'empêcher la conversion à Dieu. Pas l'Église. Et dans la Pas au christianisme. Pas au kimbanguisme. Pas au branamisme. Convertissez-vous à Dieu. C'est vrai. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ah, que dit la Bible encore dans Hébreux chapitre 12 ici? Versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les yeux, ayant les regards sur l'Église. Voilà. Voyez comment les gens ont introduit des confusions dans l'Église. Ayant les regards sur Jésus. direction de Dieu à laquelle nous sommes. C'est à lui que nos cœurs et nos yeux doivent se tourner. Et il y a le regard sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Et c'est à lui que nous devons regarder. Et pas l'un des séries de ce côté-là. N'a pas encore un abisso. Ah ouais, zingara mi bisso, n'a dit pas ta monnaie n'a bouillé, n'a pas ta tombe. Tant l'angola du pekissé, l'union son père m'a soumou, ma zaline de coquin d'abisso, ton pota n'a étinga, n'a équimeli, n'a mbango et t'a mis le bosson abisso. Ah ouais, et zali bisso total. N'a pas l'un des yes. Y'a mon bandit, si pas mon sou qui s'y n'a condiment. Mpona esengo itiami liboso na ye, e ikela ki eklus mpiko, acholi soni mpe, na yango mpe, azala kinde kovanda sasa ipi na loboko, na mobali na titi na bokonzi na nzambe. Ecoutez, Boka. Joël 2 verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à qui? Ah, on va l'oublier le souci, on va l'oublier l'ennemi. Vous n'avez pas encore trouvé. Non, vous jetez. Joël 2 verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à qui? Au christianisme? Bonjour à mon Christ. À l'islamisme? Bon côté, pas naïmoko. À l'hindouisme? Naba hindouisme, t'es. Au bouddhisme? Naba bouddha. Tous ces ismes sont faux. Ils sont faux. Ma belle. C'est Dieu seul qui est la seule forme de la vie éternelle. Et c'est à lui que nous devons aller pour recevoir la vie. Il dit ça. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Amen. De tout votre cœur. Amen. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Mais revenez à moi. C'est à Dieu que nous devons revenir. Oui. Oui. Dieu dit, revenez à moi. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est de Dieu que nous devons nous approcher. La personne de Dieu. Vous pètez la maboko, bino bato na masum, vous allez ici mitema na bino peto, bino bato na mitema ni bali. Dans l'église du commencement malama. Lorsque le Seigneur commence son église au début, il n'y avait pas d'adhésion. Il n'y avait pas d'adhésion. Mais pour ça, il y avait des membres. Hein? L'église avait des membres. Et c'est biblique de parler des membres de l'église. Mais comment on les a obtenus? Ce n'est pas en vertu d'une adhésion suivant les statuts et les règlements d'un regroupement social. D'une ASBL. Ils comment on devenait membre? En tout cas, pas ça. Bon côté. Il est écrit ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous l'avons lu dimanche d'ailleurs. Au verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Ko sanzala kanzambe mpe, ko kumama maka na batonyoso. Nkolo mpe abakisa ki ba oyo, bazala ki de kobikisa mokolo, na mutuya na bango. On y adhérera, mais c'est le Seigneur lui-même qui a ajouté. Bato abana komiko tsete kasi, nkolo yama pande abana ki de kobakisa ka bato. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Ici dans Actes au chapitre 11. Voyons l'expression des membres de l'Église. Nous avons lu le verset 21. On peut relire encore pour lire le verset 22. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertir au Seigneur par l'Église. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Les membres de l'église de Jérusalem, les membres de l'église, or là-bas Jérusalem, c'est le Seigneur seul qui a ajouté, et aucun des autres n'a osé se joindre à eux. Les adhésions, ça ne marche pas. Vous voyez comme il faut dire aussi maté, au Kouzima. Il fallait que le Seigneur ajoute. Sango, na bango yo kanaki na matoyi, na binama na lingomba o ezalaki na Yerusalem, mpe batinda ki balanaba kuna na Antioka. Binama oyo ezalaki kolo yemo konde atelemisaki bango kuna ezalaki temo kona ba mususu ya komikoti na kuna soko koti okokokate. C'est Dieu qui ajoute à l'église. Mais les hommes vont conduire combattre. Vous êtes un nouveau membre, Dieu ne va ajouter. Vous êtes un nouveau membre, si Kaya. Par l'homme, par la porte, par le prophète. Mais Dieu lui-même, comme il a dit, nul ne peut venir à moi. Si l'autre qui m'a envoyé, c'est la prise à part. Et le Père assit la personne. Et la promesse n'est pas pour quiconque. La promesse est pour vous. Et la caisse arrive pour Nabino. Pour vos enfants. Pour Nabana Nabino. Et pour tous ceux qui sont loin. Nabana Nabino. En aussi grand nombre. Que le Seigneur, notre Dieu, les a appelés là. Donc la promesse est destinée à ceux que le Seigneur lui-même aura appelé. Et la caisse arrive pour Nabana Nabino. Quelle promesse. Et la caisse arrive pour Nabana Nabino. C'est pour ceux que le Seigneur aura appelé. Regardez encore ici, dans Actes chapitre 12, le verset 1 et 2, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Natango yango mokozi Hérode. Achaki maboko na ye na kutumolaka bamoko na bato na lingomba. Aboli Yakobo ndeko na Yohana na mopanga. Voilà. Tala. Le roi Hérode, ce qu'il est allé faire. Mukonjelo da elokokena basala. Où est-ce qu'il a ciblé? Pendant que Dieu ajoutait à son église qui il voulait. Wana zamba ko bakisaka na lingomba na ye nani oyo moko alingi? Le remplissant de son esprit. Kutondisaka bango na mulimu na ye. Mes chers amis, baningana ngai. Le roi jaloux. Il décide de cibler les membres de l'église. Donc ceux-là que Dieu a ajouté à son église. Il prend la décision de les maltraiter. Fièrement. Et Dieu a laissé faire. Jacques, frère de Jean, décapité. Quand il a vu que cela a plu aux Juifs, pour bazouille. Avez-vous déjà vu? Un malheur vous attrape, mais il y a des gens qui se disent aussi serviteurs de Jéhovah, qui se disent croyants, mais ils se réjouissent. Un malheur qui vous frappe, vous chrétiens. Une situation désagréable. Mais des gens qui s'appellent des chrétiens, qui s'appellent des frères, des sœurs, ils sont aux anges de ça. De quel côté sont-ils? Sont-ils des vrais chrétiens? Ce sont des païens, des incroyants, qui se réjouissent des malheurs, qui frappent les justes. Et nous sommes infiltrés comme ça. Hérode, cet esprit qui était en lui, il a ouvert trois, voyant que cela était agréable aux juifs, il a profité. Ah, donc on va se pélir. Na kangalisi sous pétrole, pasteur là-bas, Pierre, a dit, quoi, oh, colonne de paix, c'est quoi ça, a dit, Graga. Amenez-le ici, c'est juste un homme, c'est quoi? Oh, vous tournez ensemble, c'est quoi? On a pris Pierre comme un petit malfrat. On a mis les craquets là-bas. On a pris les dos de larmes, on est en train de poigner sur les dos. Vas-y, mon Dieu, va tout à l'heure. Vas-y, comme un collier. Allez, aidez! Oh, pasteur, pasteur. Humilié comme ça. Bah oui, ça va me sonner. J'ai laissé aller là-bas. Jusque là. Allez, viens. Tiki. En prison. Na boloko. Dieu. Zambi. Il a des voix. Il a laissé ce moqueur faire tout ce qu'il voulait pour se réjouir parce qu'après tout ils avaient besoin d'une détente. dans leur psychose et leur nervose. Ils n'avaient pas la paix, ils n'avaient pas la paix, ils n'avaient pas de tranquillité. Alors pour eux, des fois, ils trouvent plaisir à s'amuser autour des enfants de Dieu comme les Philistins face à Samson. Ils deviennent hilarisés, un sujet de raillerie. Ils s'avancent, ils trouvent quand même une détente parce qu'ils n'ont pas de consolateur. Dieu les a laissés trouver une détente, se récréer un peu autour des saints de Dieu, des croyants. Zambé a tiki bango ete ba sepelana no ba zotango peza ya ko zomo mo pepe ko sakana ko ngwenya zinga zinga na bana na Zambé ete pasi na bango eza le sengo ya bango neti ba felicitai ninga ba telela ki Samusona. Eh oui. Oui. Vous aussi ne cherchez pas à tout étouffer, que ça n'aille pas mieux. Ete yo pe ko zimanyo sote te ligamo ya babe ko mela yo te. Jésus c'est la vision de Dieu. Comprenez que ces gens-là n'ont pas de consolateur. Tout ce qu'ils ont pour se consoler, ce sont des boissons alcooliques. C'est le chambre. Jamba. Ou ces histoires ici, de ce monde ici, les liqueurs fortes. Ou la vodka. Vodka. Le whisky russe. C'est tout ce qu'ils ont. Mais à toi, Dieu a donné lieu. Ces choses-là ne disent rien pour toi. Mais tu as le consolateur. Tu as la parole qui te console. Qui te montre le chemin et réjouit tes sentiments. Mais eux, ils n'ont rien d'autre. S'ils trouvent que pour ce moment-là, pour avoir la meilleure détente, ils vont continuer de se jouer des chrétiens. Vous ne cherchez pas ce que ça n'ait pas lieu. Mettez-vous à la place de Dieu, comprenez. Dieu aussi, il est un père pour tous. Peut-être, il peut laisser permettre que tu sois allé jouer. Pendant un moment. Mais attention, il ne t'a pas abandonné. Il s'utilise pour le consoler. Mais il ne t'a pas abandonné. Il a laissé Pierre aller en prison comme ça. Il dit, allez, toi, descends-moi. Libère-les. L'ange est venu, la lumière a brillé. Pierre est sorti de manière inattendue. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Le monde vous humilie et Dieu vous honore. Quand le monde vous rejette, Dieu vous élève. Mais qui dit amène à la vérité. Il n'abandonne pas ses enfants. Il les a sortis. Il a sorti Pierre. Il ne s'est pas arrêté là. Il est de la justice de Dieu. Il doit affliger ce qui vous afflige. Il y a toute sa mise en avant dans le côté. Il a vraiment battu ses pelles. Ezay est monté au Mbousé. Mais c'est quoi les ambassades? Oh yo, y a yo à condimana yo. Ezay est moi libéré là. Alors parce que c'est mon côté que vous êtes mon abîme. Personne ne va ravir votre joie. Amen. Mais celles disons là, ce sont des joies, des distractions, des scénettes, et des enseignes, des théâtres, des choses comme ça. C'est une histoire de très courte durée. Il m'a posé qu'à bacoler là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tenu la tête, les prisonniers étaient ressortis de là, miraculeusement. Quand on les frappait de matraque au dos, on ne voyait pas le surnaturel. On a vu qu'un homme ordinaire, rien du tout, rien de spécial, il n'y a que des naïfs là-bas et des fanatiques qui sont derrière lui en train de dire qu'il est un homme de Dieu. Donc en étant bango beta ga fimbo na mapeka wana bango mwana kio ya mkilio yote mwana kio bele lokola mtu apamba peko benga kaba o za ko nyimena kalo bana nzombe zinga na yete za batu ba sana bokebi mais quand Dieu l'a sorti de prison ça vous donne de me sacrer na boroko ils étaient obligés de reconnaître qu'il y a un être supérieur. Amen. Et ni sama kina makati ya ba yete za na wewe yale kibango et que nous ne sommes pas si pareils que vous les pensez. Et to sali bongo tena ninga bango ba sako la marche des enfants de Dieu se paraît tant et ça bole ne bana nzombe za bitenye na bitenye. Il y a des moments où tout semble sombre. C'est comme si Eli lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Comme si, mais il est là. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il conduit. Quand il a sorti Pierre de prison, ils étaient subjugués. Qui a pu ouvrir la porte? Ils ont vérifié entre aucun traître. Aucun. Mais Dieu a des anges si péréquipés. Qui ont des clés passe-partout. Ils peuvent ouvrir n'importe quelle porte à tout moment. Lorsque tu sers est équipé. Il manque de rien ce Dieu-là. Et il veut que toi aussi tu manques de rien. C'est vrai? Bon ayez foi en lui. Bon Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté là. À ce que vous Hérode, voyant qu'il a joué ses sales tours, et le demande qu'il est salé, salé, salé, salé. Il continue à jouir du plein de foule parce que la foule était derrière. Ouais, wow, vraiment. Pendant qu'on maltraite les chrétiens, et là-bas était en fait. Bango, basale, yu, na, mais à un moment, quand bango. Il parle, tamo, salé, tous ces fanatiques exaltés la disent, oh, voix d'un Dieu et pas d'un homme. Tant que vous allez croire que vous allez vous allez vous ici, il a réjoui l'église en leur remettant pierre. N'est-ce pas une consolation? Le monde arrête, mais les cracas, Dieu vient enlève les cracas pour remettre votre frère. Sans argent, sans rien payer. Amenez aucune démarche auprès d'aucun procureur. Rien. Dieu lui-même est intervenu. Tant qu'il existe, que si vous tournez le regard vers lui, vous serez la joie que vous cherchez. Il réjouit l'église. Maintenant, les autres continuent à les distractions. Parce que c'est de joie en joie. On a un prince qui a la voix des dieux. Dès qu'ils ont dit ça, là on s'est dit, Seigneur est descendu la main. Il a frappé ce type là en plein ventre. Il ne peut pas encore. Vrai chicote invisible. L'homme s'est évanoui dans son fauteuil de roi. Au même instant, les asticots sont sortis de son corps. Sans attendre deux, trois jours. Oui, quand on a dit, tu vois, on a dit, vous voyez, Bimbi, et Pasuki, Bastiko, Bankoussou et Bimbi. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est mon père, et c'est le Seigneur a dit, vous pleurerez, mais le monde se réjouira. Mais moi je vous reverrai, et vous serez, vous vous réjouirez, et personne ne ravira votre joie. Ne soyez pas complexés de la joie des païens. Amen. On sera pas aussi là. Pour moi, je un problème. Je vais aussi là. Ce sont des incirconcis. Leur joie est de courte durée. Êtes-vous là? Que Dieu te garde dans la foi. Hein? Et qu'il te conserve sa victoire. Je le souhaite pour ton âme. Que le Seigneur te garde dans sa victoire. Chaque jour et partout. Rayonnant de joie. Et tout là, oh, c'est merveilleux. Je vais lire un peu pourquoi Branham ici. De ce que sont devenus les églises. Dans les nombres blasphématoires. Du 4 janvier 1962. Paragraphe 170 et 172 et 171. Ah bien, remarquez. De même, Adam avait un agneau pourvu. Eh bien, c'est ça l'église aujourd'hui. Je ne vais pas dire l'église est minuscule. Vous savez quoi? Je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Et je n'ai pas l'intention de blesser les sentiments de qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour faire ça. Parce que je me suis déjà expliqué. Je suis ici pour aider. Mais ce que j'essaie de faire, vous savez quoi? En fait, ces églises ne sont pas des églises. Est-ce que d'abord c'est le Seigneur qui attire les gens là-bas? Est-ce que c'est le Seigneur qui a vraiment appelé les gens? Ou ce sont les objectifs d'un groupe religieux auquel ils travaillent assidûment? Pour remplir les sièges vides. Ces églises ne sont pas des églises. Il n'y a qu'une seule église. Celles-là sont des loges. Vous voyez, elles sont des loges. Je n'ai rien, c'est en ordre. Je veux vous procurer, je vais vous procurer, vous prouver en quelques minutes qu'elles sont simplement des loges. Vous appartenez à la loge méthodiste, à la loge presbytérienne ou à la loge pentecôtiste. Et tant qu'il y en a, vous voyez, les loges, vous ne pouvez pas, les églises sont en fait des loges où des gens qui ont la même idée naviguent ensemble. Où les gens qui ont la même idée naviguent ensemble. Ils ont le même genre d'idée. Nous, ils se mettent ensemble, ils s'associent. Qu'est-ce qu'on dit? La même idée. Même pas l'évangile, le message de Dieu. Mais la même idée. Les gens qui réfléchissent presque de la même manière. Alors ils vont adhérer dans une loge. Et si l'idée change, vous les verrez changer aussi de loge. Ils trouvent que son idée, ça ne passe plus ici, ça doit passer quelque part ailleurs. Mais il n'y a pas de nouveau. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il a seulement la même idée qu'un autre. Ou quelqu'un. Toi, examine-toi un peu. Quand tu viens à l'église, ne serait-ce pas dans ce sens ici? Si quelque chose est un désagrément assez profond se produit, au lieu d'être membre de l'église du Seigneur, membre d'une loge et tu veux changer de loge. À cause des sentiments et des désaccords. À cause des sentiments frustrés. Si le prédicateur a touché peu mon il s'est bénéficié, au moins, allez, a tiré assemblée, embargo. Vous voulez que l'idée, telle idée, soit faite. Il y a un ça ne va pas dans l'église. Et vous décidez de rester à la maison. Vous dites d'aller d'abord fréquenter quelque part ailleurs. En attendant que la petite agitation ou les troubles qui sont dans l'église. Il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Nous sommes faits chrétiens pour combattre le combat de la foi. Viens convaincre les gens par les idées de la parole. Mais ne cherche pas tout que ton opinion passe. Ton opinion, c'est ton opinion. Mais la parole doit triompher. Le bonheur qui se bat pour la vérité, ta place est ici dans la vérité. Dans la vérité, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais nous voulons en faire une loge. Et nous l'acceptons exactement comme une loge. Et nous nous proposons comme les membres d'une loge. Dans l'assemblée générale, j'avais pris la parole, on n'a pas considéré mon point de vue. Il est tout de fait tout malheureux pour ça. Loge, donc, il y a qui ne prend pas l'idée de Noël, les gars. Il y a qui loge. Il y a qui ne l'a pas. Une certaine confrérie. Nous devons considérer au même titre. Non, ici c'est la parole qui domine. Ceux qui étaient en Jésus-Christ, soit à vous. Nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos opinions à l'autorité de la parole. N'est-ce pas vrai? C'est ça l'église de Dieu. Et quel âge nous sommes? Les choses doivent se faire d'après la parole, pour plaire à la parole, non à tes sentiments charnels. Nous battons pour nous-mêmes, mais c'est pour le Seigneur que nous combattons. C'est pour d'accord à lui. Pour les intérêts du Seigneur. Et ils sont dans sa parole. Vous voyez? Les églises sont en fait des loges où les gens qui ont la même idée naviguent ensemble. Mais l'église est une. Vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous êtes né à elle. Elle était commencée, elle avait débuté au commencement par le Seigneur. Il n'y avait pas d'adhésion. Aucun des autres n'ose se joindre à eux. Mais c'est le Seigneur qui a ajouté à l'église. C'est lui qui a ajouté. C'est lui qui a tiré les gens. Lui seul propriétaire. Nous voulons la restauration. Le retour à ça. Mais l'église est une. Vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous êtes né en elle. Et quand vous êtes né en elle, vous êtes un de ses membres. Vous voyez les membres de l'église dont la Bible parle ici? Nous avons lu dans Acte 12, dans Acte 11, les membres de l'église, c'était ceux qui étaient nés dans l'église de Dieu. C'était ça, les membres de l'église. Ceux qui étaient nés en elle. L'église du Seigneur. Oh mon Dieu. Si nous pouvons comprendre ceci. Le dimanche, on a flashé, on l'a dit, en lisant dans Dieu changeait-il de pensée au sujet de sa parole. Nous l'avons dit. À ce niveau-là, on a dit que l'église, ce sont les nés, ceux qui sont nés. Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Répétons quand même au paragraphe 29. Et puis, l'église naturelle n'est qu'un groupe de gens qui sont dans les dénominations par adhésion. Des églises naturelles. C'est pas le Seigneur qui a appelé, mais c'est le courage des hommes, hein, en collant tout ça à Dieu. L'église naturelle n'est qu'un groupe de gens qui sont dans les dénominations par adhésion. Je ne les appelle même plus église. Je ne veux plus les appeler un. Je préfère les appeler des loges. Vous vous rappelez avoir entendu ça à la fin du sermon dimanche, non? Loge méthodiste, loge baptiste, loge pentecôtiste, loge de la Rose-Croix, loge de franc-maçonnerie, loge bouddhiste, la loge maïkari, la maïkari. Tout ça. Loge. Mais l'église, ce sont les nés de nouveau. Qui sont en Jésus-Christ. Et qui sont des nouvelles créatures. Êtes-vous là? 1 Corinthiens 1. Qu'est-ce que nous dit la parole ici? Au sujet de l'église. 1 Corinthiens 1, à partir du premier verset. Verset 1 jusqu'au verset 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Vous voyez, l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Saints par vocation. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ngai Paul. Oye Yesu Kristo abiangi ngai ete nazalantomo pona mukano na Nzambe. Pe nande ko sostene. Tukomeli bino lingomba na Nzambe lizali na kati na koliki. Bino babola mikati na Kristo Yesu. Bobiangami ete, boza la sembo elongo na bato nyoso ba oyo, bako merela kan kombo na nkolo na biso Yesu Kristo na bisika nyoso. Ye azali nkolo na bango mpe na biso lokola. Voyez, l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Par vocation. Par l'appel divin. Ils ne sont pas devenus saints parce qu'ils se sont invités entre eux, ils ont organisé une manifestation religieuse. Non, saints par vocation. Cette église de Dieu, ce sont les appelés de Dieu. L'appel de Dieu les a sanctifiés. Les identifie parmi les saints. Parce que Dieu n'appelle pas en vain. Il appelle pour accomplir son dessein. Romains chapitre 8. Comme c'est merveilleux. Romains 8. Que dit la Bible ici? Verset 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés par lui. Ben appel sanctifiant. Car Dieu nous appelle à la sanctification et non à l'impurité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et lui qui appelle, il vous veut faire. Il vous adresse une simple vocation. Pour qu'aucune impureté ne se retrouve dans votre vie. Que toutes les salités soient bouchées dehors. Ne touchez plus à rien de plus. Vous serez mes fils et mes filles. Un appel sanctifiant. Pour former la Sainte Église. La maison de Dieu. Qui est la colonne et l'appui de la vérité. Car ceux qui l'a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Vous avez bien que Zambé a consacré comme au salam pour na malamu kati na makambo nyoso et pas na bango bakolinga kaye. Bongo a bien gaki pour na mokano na ye. Zambi a yebaki bato na ye liboso. Abongisi bango ete, bako kana na motindo na mwana na ye ete, ye mwana azala kulutu liboso na bandeko mingi. Et ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Ba oye ye, abongisa ki liboso, abiangi pe bango. Et ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. Ba oye, abiangi, alongisi pe bango. Et ceux qui l'a justifié, il les a aussi glorifiés. Ba oye, alongisi, akendisi bango. Voilà le dessein éternel de Dieu. Talabongo, le plan merveilleux de son salut pour nous amants. C'est lui-même qui prédestine d'abord. Ensuite, lui-même qui appelle les gens. C'est lui qui appelle. Il veut que vous puissiez vous convertir à lui. Et l'évangile prêche la conversion à Dieu. Le Seigneur insiste, revenez à moi. Tournez-vous vers moi. Vous voyez que le plan de Dieu est tout autre. Mais les gens sont très zélés pour leurs mouvements sociaux. Ils continuent à produire des mouvements sociaux. Les mouvements des Congolais debout. Et les autres, c'est Téléma Congo. Les autres sont fond de Congo. Et ils sont très zélés pour ce genre de mouvement. Mais Dieu a dit, je bâtirai mon église. Son église à lui, elle doit suivre ses principes à lui. Elle doit adopter son langage à lui. Elle doit être sanctifiée par l'occasion. Vous aimez? Écoutez les sons qui confirment 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est écrit ceci, verset 3. À 5. Oh non, même juste verset 6. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Dites amen à la vérité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bon, on posa ma bête dans auto le cola va pas canon au bayebi zambete. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Par sa vocation, il vous veut saint. Et son église à lui, c'est une église de ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. C'est par vocation. Appelez non pas à l'impureté. À se couvrir dans le mal. À justifier le mal. À défendre le mal. Mais à condamner le mal. Condamner les gens de l'infirmité. Mais je vois, c'est condamner ça. Mais jamais y participer. Car Dieu nous a appelé à la sanctification. Dieu te veut ça. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et parce que vous invoquez pour Dieu, pour Père, c'est lui qui est saint. Que toute votre conduite soit empreinte de sainteté. Qu'on ne trouve plus les traces de la débauche. De la fornication, de l'impudicité, de l'opinage, non, plus questionner tout ça, pas de cupidité, pas de malhonnêteté, pas de fraude financière. Dieu vous veut saint à tous égards. Ne touchez à rien d'impur. Et ça, c'est lui-même Dieu qui vous enseigne. Quand il appelle les siens pour bâtir son église, il établit d'abord un ministère là-bas. Ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Pouvons-nous revenir rapidement à Jean 6? Oh mon ami, la parole ne changera pas. Attends, vous avez dit que vous avez Jean 6 que nous avons lu ici au début. Oh oui. Jésus leur répondit, verset 43-45. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Yesu azongisa ki mwana kompe alobi na bango ete boyima imakati na bino te moto akoki koya epai na ngai te bobele soki tata motini na ngai akobendaka ye mpe na kosekisa ye na mokolo na suka. Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Tous. C'est et Dieu qui doit enseigner et c'est lui seul qui bâtit son église. Et komami kati na basakoli ete bango nyonso bakolekisama na Nzambe bango nyonso pe ete Nzambe ye moko nde azali kobata. Mais comment va-t-il enseigner? En mettant un baffle invisible au sein de l'auditoire? Non. Il dit ici dans Jean 12, ici vous le savez. Au verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ce qui moto akosale la kangai tika ete abila ngai pe na esika ezali ngai mosali na ngai akosala wana lokola sopo moto akosale la kangai tata akokumisa ye. Le même qui a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si il est effectivement au milieu d'eux, selon cette promesse, et selon la complémentarité de sa vérité biblique, il ne peut pas être au milieu d'eux pendant qu'ils ne sont là que tout seuls, sans un ministère. Impossible. Deux ou trois s'assemblent et lui est là, mais là où il est, là il y a son serviteur. Na bongo pela mokona elaka yango ete esika mibale to misato bakosangana na kombo na ngai soki ye azali wana esengeli ete liboso lotomo ezala mosala moko oyo asili kopesa ezala wana soki mosala ezali wana te ye akozala wana te. Comment allons-nous le recevoir? Lolengeni tu biso tokoyamba ye si y a pas de serviteur soki basali mosali azali wana te. Comment dites-moi bolobela ngai ndele nini? Jean 13, le verset 20 dit ceci. Nous le recevrons comment? Comment nous aurons ce Saint-Esprit pour devenir membre de son église? Il n'y a pas de ministère. C'est comment, dites-moi? Nous, Jean 13, au verset 20, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Mes chers amis, ne faites pas des négociations ici. Il y a un plan divin déjà écrit. Il n'y a pas à spéculer ni tergiverser. Le Seigneur travaille à travers des gens qu'il a établis. Pour ce faire. Solo, Nazal Kolobana Binoeti. Yao, Akoyamba Motindami. Soko Nani, et Ningingai Kotinda. Asali kuyamba ngai. Yeye akoyamba ngai, akoyamba ka motindi na ngai. Oh oui, ndio. Romains 10, Baloma zombi. Verset 13. Baloma zombi na misato. À 15. Ino zombi na mitom. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, n'est-ce pas, amen? Maintenant les questions viennent. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Première question. Deuxième question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Troisième question. Et comment en entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Quatrième question. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donnez la réponse à ces questions. Zambia l'a dit sous cette. Moto na moto oyo akobelelaka kombo na nkolo akobika. Na nzala nini bakobelelaka ye oyo bandimi ye te. Na nzala nini bakondimaka ye oyo bayoki mpona ye te. Bakoyokaka na nzala nini soki bazangi mosakoli. Bakosakolaka na nzala nini soki batindani te. Bon, pour qu'ils arrivent à croire, ils doivent d'abord entendre parler de lui. Non pas seulement se regrouper, Yeshua, arrêtez de faire le bruit. Vous dérangez. À votre âge, ce n'est pas gentil. Vous voyez, frère? Vous voyez, on dit, mais ça va être ce qui est. Vous voyez, oui, alléluia, alléluia. Vous pensez que c'est pour ça que Jésus est là? Là où il est, là il y a son serviteur. Et c'est là où il est, là il y a son serviteur. Représenté par un homme envoyé de lui. C'est la loi biblique. Changez pas ça parce que ça n'est pas. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il est aussi écrit, là où je suis, là il y a mon serviteur. Ne dissoulez pas la parole. Donc avoir la parole ici, pas qu'à voir la montée. Et ça mon bimba. Joignons son pezon gamboraillon. Mais ici quand même, le col à l'obami était ma coulacate. Ici que l'obami solo était ici qu'à bibaleto mis à 300 ans à Nazali, Katinaï. Cache, le col à l'obami mouvement. Et l'obami pète. Et si quoi il y a un Nazali, il s'est gré que pour ça la naïe à Zali. Il n'a pas mis à Yamouane. C'est lui qui a dit ça. Mon ami, ne t'en prends pas moi. Vous êtes le frère Olinga Lubanini. Yo pe Olinga Lubanini. Je ne comprends pas. Avec vos chambres de questions. Olinga Lubanini, tu veux aller où? La parole est claire ici. Il est écrit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est aussi écrit, et tu ne dois pas rejeter ça, là où il est, là il y a son serviteur. Et pour moi, mes soleils, et si Kami Balemis pas tu vas s'engagner. Naimoko Yesu na kota lande kati na bango. Kobosa na tete, eko mwemi mpeli susati. Esika mwa ya azali, wana mwombo na yepe azali. Alo, kikonke mvoki kano ndi senyor sega sobe. Mwata na mwata yosa kodale la kombo na mkolo. Lati lomo ndi, amen, kumasa kwa kwa dami. Ando kwa dawe, mpele bongo kwa. Jevi amen, kwa tiye dispe. Nene, mpele bongo yosa. Kikonke mvoki kano ndi senyor sega sobe. Mwata na mwata yosa kwa. Jevi dami dali amen, mpele kwa tiye dispe. Ete mbele dawe, mpele kwa tiye dispe. Kikonke mvoki kano ndi maintenant les questions. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, s'il n'a pas la foi, s'il n'a pas la foi, tu ne peux pas l'invoquer. Il faut avoir d'abord la foi. Ensuite, tu l'invoques. Mais non. Comment parviendras-tu à croire en lui si tu n'as pas entendu parler de lui? Nanzala ni nyoyo, okokoma kino na kondimelaye. Faki nan nyoyo katate, ndengo pa nanzi kolobelaye. Okozu nga te village natal, olobi na ndenge na nga na nimela nkolo, okosi na yo. Tu dois passer par un service divin. Oh, mais... Ça c'est la loi de Dieu dans la Bible. Mais pas dans la Bible. Bah, autodidacte, c'est la bokosan zambé, batake. L'église, c'est l'église de Dieu. Je laisse ça là que les gens n'en ont pas. Tu ne peux pas venir voir l'ongaï, car on n'a pas mystique, mon gros, ne l'a pas fait la grâce. Dès, tu passes par un service divin. Je laisse ça là que les gens n'en ont pas. Amen. Pour croire en lui, tu dois entendre parler de lui. Et pour parvenir à entendre parler de lui et que ce soit lui vraiment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prêche. Et pendant que lui le prêche, toi tu l'entends parler de lui. Et quand tu entends parler de lui par la prédication, ça suscite en toi la foi pour croire en lui. Et quand tu as la foi pour croire en lui, ça te donne la force d'invoquer son nom. Et quand tu invoques alors son nom, tu seras sauvé. C'est ça la parole. Mais comment le voit-il des prédicateurs là en question? S'il faut le prêcher ou parler de lui, pour que toi tu entendes parler de lui, si ce prédicateur n'a pas été envoyé, et qui va envoyer? Donc, on a dit, toi, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, ça doit être lui qui les a envoyés et qui leur a donné l'autorisation de parler de lui aux autres et de parler en son nom aux humains. Que c'est ça lui-même qui a donné l'autorisation. Donc, maintenant, nous sommes là pour être bataillés. Et c'est vrai que Yemokonde a dit à Bango, Père, fais à Bango, mais Tindu, il y a un problème, mais pas la pomme dans la vie. Père, toi, tu es chez toi là-bas. Vous n'allez pas dans la vie. Moi, je ne sais même pas qu'il y a un certain prédicateur ou un frère ou une sœur audacieux, courageux, qui se lève, qui dit, frère, au lieu de que tu as boyé, non, ça sera bien après David, hein. Oh, oui, oui, non, mon accord. Frère David, a été signé à un hôtel le dimanche. Mais il y a eu le côté. Natini de voir n'était qu'on a eu ce message. Est-ce que dimanche, il y a est-ce que nous avons eu un salaire? Ma cambo, il y a eu un salaire. N'a eu tout, il y a eu. Et ça va m'engager en quoi? Les choses qu'il va venir te dire. Quand l'ange Gabriel est venu chez Marie, il a été dit, heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été annoncées, de la part du Seigneur, l'ange ne venait pas de lui-même, mais c'est le Seigneur qui l'avait mandaté. Tant que moi, j'ai lu Gabriel, il y a été pas dans ma vie, alors pas qu'il y a été. Et c'est mon amour si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous l'ange Gabriel au sixième mois fils envoyé par le Seigneur auprès d'une pièce. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Moi j'ai lu Gabriel et l'envoyé à votre bâtiment de ma guine. Moi c'est comme un pauvre malia. Pas le bon côté de la guine. Il s'est pas levé pour une bonne promenade dans l'espace. Et t'as tellement quitté. Et commencé à dire qu'il y a le point du ciel là qui est beau. Et t'es la loi. Oh, j'ai vu l'étoile du matin qui brille fort. Je ne peux pas les voir, mais à l'occasion des gens sur la terre. Et j'ai trouvé une certaine demoiselle appelée Marie. Hé, Marie, tu es là? Oui, c'est Marie, on est allé là. Bon, je dois te dire que le Seigneur a dit ceci, il veut ceci. Tant qu'il a été commissionné, mandaté, envoyé, autorisé, ça n'engagerait le Seigneur en rien. Mais ces choses auront leur accomplissement. Parce que celui qui est venu les dire, il lui a dit de la part du Seigneur. Amen. On est délégué du Seigneur. On est envoyé du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui a mis ses paroles dans sa bouche. Alors je m'engage à Dieu. Amen. Tu peux croire vraiment Dieu. Amen. Te convertir à lui. Amen. Conversion à Dieu. Amen. Et non pas au système des églises, aux loges. Et aux hommes. Convertissons nos cœurs à Dieu. Tournons nos regards à lui seul. Mais il a des lois, il a des principes. Même quand vous viendrez dans l'assemblée locale, ça ne vous échappe pas. Ça doit vous suivre, ça vous colle là-bas. Même au plan local. Quel que soit le lieu, il faut que les principes soient observés. Les principes de sa parole. Que Dieu bénisse ceci. Maintenant, debout pour la prière. Mon tépélé. Notre Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Ta parole est la vérité. Ton esprit est le meilleur. C'est la superpuissance d'en haut que tu as promis pour surgir sur nous, pour que nous le recevions. C'est toi seul qui appelle. Toi seul qui bâtis ton église. Construis-nous à cet endroit. Édifie-nous à cet endroit. Garde-nous dans ta victoire, Seigneur. Chaque jour et partout. Nous t'appelons sur la scène. Pour que tu travailles sur chaque âme qui vient à cet endroit. Nous ne comptons pas sur les adhésions. Nous ne recherchons pas les adhésions. Père, nous voulons la conversion de cœur. La repentance selon Dieu. Une repentance telle que Dieu l'agrée. Des expériences suscitées par Dieu lui-même. À l'enchaînement du Seigneur. Pour le salut des âmes. Tu nous as parlé de cette assemblée. L'assemblée du Seigneur est sanctifiée par vocation. Seigneur, laisse que cette pensée trouve place chacun de nous. Que nous comprenions que l'assemblée appartient au Seigneur. Et que lui-même doit l'enseigner. Que Que tous qui sont dedans soient enseignés de Dieu. Et pour en devenir membres connaissent de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, alors on en devient un de ses membres. Membre de l'Église du Seigneur. Ou pour y venir, on est attiré par lui-même. On est appelé par lui-même. Dans quoi ça n'a rien de Dieu. Nous ne voulons pas te coller des choses. Mais nous voulons nous convertir à toi. Et que nos âmes, nos cœurs traitent en direct avec toi. À travers le service divin. À travers le service divin. À travers le service divin. Conforme à la parole biblique. Que chacun soit bénéficié. Pour être réellement sauvé. En invoquant le nom du Seigneur. En croyant au Seigneur. En entendant parler de lui. En recevant les hommes mandatés par lui. Seigneur, que cette chaîne biblique fonctionne. Qu'elle se vérifie dans la marche de chacun de nous. Pour ne pas se retrouver dans les illusions. Et des espérances trompeuses. Le salut que tu donnes est un salut réel. C'est un salut joyeux. Le pardon de péché que tu donnes est une expérience réelle. Que cela, je donne la joie. Accorde-la à chacun de nous, Seigneur. Les vraies expériences de la parole. Des expériences relatives au salut confirmées et consolidées par Dieu pour que notre espérance ne soit pas perdue, mais qu'elle soit légitime. Quand je me justifie devant toi, entends le cri de chacun de nous, les prières en particulier, les demandes et les requêtes, et donne-nous suite. Chaque jour, nous voulons te voir ensemble, nous fortifions, nous donnons la joie inépargne, que personne ne peut nous avoir, expérimentant toutes les promesses de Dieu, les réalités infaillibles de Dieu vivant. Détournant nos yeux des choses pratiques. Retournez nos regards à toi, Jésus-Christ. Et ne jamais nous couvrir de honte. Apporte ton soutien à chacun. Chaque soeur que tu as appelé dans ton église. Je prie pour cet âme. Quelle que soit sa réalité, apporte-lui ton secours. Apporte-lui ton pardon et ton salut. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir.